بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. هذه كومنتي بار أبو تيمية خليل المتنكي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد والأهل وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، فقال المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث رابع والمئة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه، وزاد مسلم: وإن لم ينزل. Donc selon Abu Huraira, que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit que si il s'installe entre ses quatre membres, c'est-à-dire ses deux bras, ses deux jambes à la femme, d'accord, et puis qu'il a un rapport, alors qu'il doit faire le ghusl. Et le hadith est muttafaqun alayh, et Muslim l'a rajouté, et même s'il n'éjacule pas. Donc ce hadith vient s'annoncer mafhum du hadith précédent. C'est-à-dire le hadith précédent qu'on avait pris d'Abi Saïd, c'est que al-ma ou min al-ma. En fait, du hadith, on comprend que la sortie du sperme amène au ghusl. Là, ce hadith démontre que non, même si le sperme ne sort pas, à partir du moment où il y a eu rapport, d'accord, il y a eu pénétration, ça amène à ce qu'il y ait le ghusl. Pour les deux, l'homme comme la femme. طيب. فقال الأحكام المستفادة المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. مسألة: هل يجب الغسل بالجماع بدون إنزال؟ Est-ce que le ghusl est obligatoire pour celui qui a eu des rapports sans avoir éjaculé? Donc le hadith d'Abu Huraira qui est là démontre l'obligation de cela. Et également un autre hadith qui est venu qui est: وَأَرْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ بِسْنَنِ صَحِيَ عَنْدَ أَبِي دَاوُدُ. C'est-à-dire c'est que si les deux parties, là quand on dit le khitan, c'est-à-dire c'est le bout du pénis et le khitan celui de la femme aussi, s'ils se rencontrent, alors le ghusl est obligatoire. Et là ce hadith est également justement une preuve du khitan pour la femme, la circoncision pour la femme. Donc si les deux bouts se rencontrent, quand même, alors cela amène à ghusl. Tout comme cela également amène à quoi? C'est messidina. Cela c'est le minimum à accomplir pour avoir pour subir la sentence. On lapide celui qui a déjà connu le mariage, le mohsin, qui est marié ou qui a déjà connu un mariage, shari, légiféré. Et on flagelle le bikr, celui qui n'a jamais été marié. Et comme on a dit, le bikr, c'est pas forcément le ou la bikr, c'est pas forcément la vierge. C'est ceux qui n'ont pas connu de mariage légiféré. Même si on dit qu'il a déjà fait zina auparavant, en islam, on l'appelle bikr. Pas même. Et mohsin, c'est celui qui a connu un mariage légiféré. Donc, ici, tu as d'autres hadiths qui ont dans le même sens. Pas même qu'à partir du moment où le rapport a eu lieu, ne serait-ce que très peu que juste le bout du pénis soit rentré. Ce n'est qu'une partie du bout qui soit rentrée, cela suffit pour dire que cela a eu lieu. Et les seuls qui ont contredit ce jugement du fait de faire le ghusl à partir du moment où la pénétration a eu lieu, même s'il n'y a pas d'éjaculation, c'est Daoud et Zahiri. Et cela fait rapporter de certains sahaba, mais eux c'est parce qu'ils n'ont pas eu justement l'argument. Ils disent qu'il y a juste l'eau à faire. Car là-bas, ça, ce hadith-là, il est venu pour abroger un autre hadith qui est venu. Et c'est quoi le hadith? Selon Ubay ibn Ka'b, qu'a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à propos de celui qui a pénétré mais qui n'a pas éjaculé, « Yarsil ma massa al-mar'a minhu thumma yatawadda yusalli » qu'il lave ce qui a touché la femme, ce qui est en contact avec la femme, après il fait l'eau et il fait salat. Et le hadith, il est muttafaqun alayh. Mais il a été abrogé par celui-là. Amt, il a été abrogé par celui-là. Et certains sahabas ne l'ont pas su, ils sont restés sur celui-ci. Ce hadith-là. Et parmi ceux qui n'ont pas vu justement le fait du Rousl, il y a Othman, il y a Ali ibn Abi Talib, il y a Zubayr ibn Awam, et Talha ibn Ubaid et Ubay ibn Ka'b, qui lui-même a apporté le hadith. Ubay ibn Ka'b. Attends, là, c'est deux masalas qui sont. Après la masala avec les enfants, pareil, on n'a pas celle-là. Pour pas choquer les esprits sensibles. Parce que Cheikh Ibn Haizem disait ce genre de sujet, tu les évoques pour connaître le jugement. Ce genre de sujet, tu les fais avec les toulab et la même, tu ne fais pas avec n'importe qui. T'as même ? Pour pas que les gens s'imaginent que c'est permis ou que. Tu vois, on dit non, juste si jamais ça arrive à des gens, on sait comment agir par rapport à eux. Parce qu'il y a des gens, ça dit qu'ils font des trucs comme ça, tu vois. Par les musulmans, tu vas retrouver. Donc même s'il l'a fait, quoi qu'il arrive, il y a un jugement par rapport à la tahara. C'est comme quelqu'un, par exemple, on dit qu'il a violé une femme. Ce qu'il a fait, c'est énorme. Quand même. Mais est-ce que pour autant, on oublie les arcanes de la tahara, par rapport au rodo et le rousl? Non, il doit les faire quand même. Donc ça, il faut l'expliquer. Quand même, ça, il faut l'expliquer. Après il dit Masala. Masala sûrement doit être lié par exemple à ceux qui utilisent des préservatifs. Il disait Allafa la zakarihi khilqatan ou kisan thumma jama'a. Celui par exemple qui viendrait à mettre autour de son pénis un chiffon ou un sac, quelque chose. Et Masalan, préservatif entre dedans. Donc il dit il y a trois paroles chez les Shafi'ites. La première parole qui doit faire le rousl, obligatoire. Car les règles sont liées, par rapport à la pénétration en soi, et non pas par rapport aux membres entre eux. Donc cela a eu lieu, donc cela amène à ce que le rousl soit accompli. L'énaqalet thumma jahadaha faqad wajaba le rousl. Pas même. Le hadith dit que voici s'est mis entre ses quatre membres, c'est-à-dire entre ses deux bras et ses deux jambes. Thumma jahada, c'est-à-dire après qu'il y a eu des rapports, il n'a pas dit, c'est pas précisé. Donc là, dans le zahir du hadith, ça rentre dedans. Après la deuxième parole, que le rousl n'est pas obligatoire, ni le wudu. Car ils disent que la pénétration a eu lieu avec une chose qui enveloppe et qu'il n'y a pas eu de contact direct avec la peau, avec la femme. Il n'y a pas cité le c'est quoi leur délire, ces gens-là. Et troisième parole, c'est que si jamais cette chose qui entoure le pénis, il dit khilqa, à la base khilqa c'est un bout de tissu, c'est tu vois. Si jamais c'est quelque chose d'épais, qui empêche de ressentir le plaisir, alors le rousl n'est pas obligatoire. Et si jamais c'est fin et n'empêche pas le plaisir d'être accompli, alors le rousl est obligatoire. Et Cheikh Al-Faymi dit quoi ? Wa hadha aqrabu al-ahwat an yaghtasil. Et que le plus prudent, le plus proche, c'est qu'il se lave. Qu'il fasse le rousl. Le Cheikh Ibn Hizam, il voit que c'est le col l'awel. Que même s'il a mis quelque chose, il doit faire le rousl car la pénétration elle a eu lieu. Taïb. Fahada, ouah. Mais attends, que bidder s'en est l'yom, inch'Allah. Tamam. N'a que tu fais bien, hada. Walhamdulillah, bil alamin.